Parmi tous ces nombreux cercles européens de latin vivant, il en est trois sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Avignon, Louvain-la-Neuve et Bruxelles. Car c'est leur découverte qui m'a fait entreprendre mes présentes démarches pour que le latin redevienne la langue de l'Europe. Avignon d'abord, avec le Cercle latin de Provence, animé par Marc-Olivier Girard. Cercle qui m'a fait franchir le Rhône pour entrer dans le Vaucluse, sur le pont de l'Europe, en avant du fameux Paul de la Chanson. Avignon est entré dans l'histoire au XIVe siècle, lorsque les papes, fuyant Rome, vinrent s'installer dans ce palais qui domine ce pont. Or, le latin étant alors, nous l'avons vu, la langue de l'Europe, de même que pour situer un pays, on employait la préposition latine « in », par exemple « in Italia ». De même, Avignon, étant devenu la capitale d'un État, comme le Vatican actuel, on a dit et écrit « in Avignone », dont il nous reste la tournure possible en Avignon. Avignon a de nouveau acquis une notoriété internationale à partir de 1947, après que fut créé son festival dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Et en 1956, grâce au latin, Avignon revenait encore sur la scène internationale. En effet, tandis que se mettait lentement en place ce qui allait devenir notre fragile Union européenne, Avignon accueillit, du 3 au 6 septembre, son premier congrès de latin vivant, sous la houlette du professeur Jean Capel, scientifique de formation, qui en 1952 avait publié un article au titre éloquent « Le latin ou Babel ». Ce congrès rassembla 200 personnes venues du monde entier, représentant 22 pays différents, et il officialisa la prononciation dite « restituée » du latin, fruit d'un siècle de recherche scientifiquement menée dans plusieurs pays européens. Cette prononciation est loin du latin d'église et de la prononciation à la française, celle que j'utilise ici parfois, car elle vous est sans doute plus familière. Mais je la double avec cette prononciation restituée qui n'aura bientôt plus de secret pour vous. L'assimile, le latin sans peine, adopte cette prononciation restituée du latin du 1er siècle avant notre ère, celui de César et de Cicéron notamment. Prononciation qui, depuis ce premier congrès avignonnais de latin vivant de 1956, s'est imposé en France et dans bien d'autres parties du monde. En outre de ce congrès, est née à Avignon, en 1957, l'association Vita Latina. Vita Latina, vie latine, et sa revue éponyme, sous l'impulsion de Théodore Obanel, pour promouvoir le latin vivant, et l'Université Paul-Valéry de Montpellier en assure aujourd'hui la publication.